Cette émission est une présentation de Pod Québec. Pod Québec, 100% podcast, 100% québécois. Jean Doyon et Régent Charbonneau. C'est la filière progressive. Le rock. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à la filière progressive. Jean Doyon avec vous pour une heure de rock progressif, mais est-ce que j'allais dire bonsoir à Régent Charbonneau? Oui, mais salutations à vous tous. Et ce soir, on a quelques bandes nouveaux un petit peu, dont un groupe québécois, en fait du moins une sortie québécoise, qui s'appelle Thomas Carbou et Patrick Graham, ou Graham. On a également de l'Argentine, Bad Dreams, de la Grande-Bretagne, Lonely Robot, et Damnation Days d'Australie. Les jours d'année. Alors, on va commencer ce soir avec Thomas Carbou. Oui, en fait, Thomas Carbou et Patrick Graham. Pour ce qui est de Thomas Carbou, c'est un guitariste de jazz qui en est à son 15e album. Et puis, sur ce dernier album, qui a pour titre Impulse, il s'associe à Patrick Graham, un maître des percussions, pour explorer diverses textures électro-acoustiques dans un univers ambiant, atmosphérique et exotique. On parle même de quelques ressemblances avec Sigur Rós. Oh. Alors, c'est quand même assez intéressant. Donc, on y va avec deux pièces tirées de cet album Impulse. La pièce First Impulse, suivie de Robot Dreams. Voici donc Thomas Carbou et Patrick Graham à la filière progressive. Thank you. La filière progressive. Deuxième partie de l'émission de ce soir, on y va du côté de l'Argentine avec un band qui s'appelle Bad Dreams. Oui, c'est une relativement nouvelle formation qui nous vient justement, comme tu dis, de l'Argentine. C'est quand même assez rare qu'on a des bands de ce coin-là. Ouais. Et puis, ils ont deux albums au compteur depuis 2015. Mmh. Et puis, on les classe déjà dans la catégorie des Hackett, Wilson, Pink Floyd, Marillion. C'est une très belle surprise. On va entendre tirer de leur dernier album qui a pour titre Déjà vu. On va entendre la pièce Fallen, suivie de A Trick of the Wind. Dans le cas de la deuxième pièce, A Trick of the Wind, vous allez reconnaître, vous pouvez déjà deviner d'après le titre, certaines clins d'œil, je dirais, à Genesis. Alors, c'est quand tail. Même, ouais, c'est quand même, puis Wind and Retreat. Alors, c'est quand même assez intéressant comme, comme pièce à écouter. Comme concept, on va dire, mettons. Exactement. Bad Dreams à la filière progressive. We'll be right back.

feel this, I am lost, I find a day. When can I seek a decent joy? When I walk alone to the park and I meet the love of a healing gem, I see a hundred souls wandering out of time. I need the silence, watch the rainbow, solve the problems of this ambush. Then I saw a leaf in the breeze passing through my eyes, and the wind make a trip where the souls were passing by. Watching the clouds melt by the sun, feeling the sharpness going back, seeing my old ways broken down, waiting for floods inside the calm, leaving the past behind the dust over again. Lies a threat, jail feelings on the night, I find a way. No one teaches how to fly, and the answers were marching along a hazy path, while the passion was hidden is about the flaming light. Watching the clouds melt by the sun, leaving the past behind the dust. Watching the clouds melt by the sun. Watching the clouds melt by the sun. Desert. I jumped from the line, I'm ready for some changes, I'm sick of all the crap I buy. La filière progressive. Troisième volet de l'émission de ce soir, ben on poursuit avec un groupe anglais qui s'appelle Lonely Robot. Oui, en fait, Lonely Robot, c'est le projet de John Mitchell, guitariste de Arena, qui, avec Big Dream, leur deuxième album depuis 2015, nous offre un rock progressif différent de celui d'Arena, mais tout aussi pertinent. À noter l'excellent Nick Beggs à la basse, qui seconde Mitchell depuis le début de ce projet. Alors, tiré de justement l'album de Big Dream, on va entendre trois pièces. La pièce Awakening, suivi de In the Floral Green, et pour terminer, Hello World Goodbye. Ah ben on écoute ça, Lonely Robot à la filière progressive. We'll be right back. there are these gaps, these intervals. The unconscious state must appear always through the conscious state as a gap or interval. So you can conceive going to sleep but not waking up. I thought you'd seen behind this dream an endless scene that you call life. This walk on what? This walk. Hello, well, goodbye. You are floating in the ether. These memories will fade and slowly fly. Now it's time to go. You are dreaming of surrender. So hello, world, goodbye, goodbye. Life, it's only life. It echoes on. Fights to find a way through. Hello, well, goodbye. It is much less than a moment. Alive within the blinking of an eye. Now it's time to go. There is so much more to live for. Hello, well, goodbye, goodbye. Life, it's only life. It crashes on. Fights to find a way progressive. Dernier volet de l'émission de ce soir, on s'en va en Australie pour entendre un band qui s'appelle Damnation Days. Oui, encore une formation de prog metal australienne qui, dès ce premier album, se distingue entre autres grâce à la performance vocale de Mark Kennedy. Alors l'album a pour titre A World Awakens et on entend la pièce The Witness suivie de Into Black et pour terminer, To Begin Again. On fait attention à nos oreilles avec Damnation Days à la filière progressive. Witnessing the failing of it all. edge of time. I have followed the starlit sky. It led me to the guiding light. When you find me at the edge of time, yeah. vient d'entendre, c'était du Damnation Days de l'Australie, tiré de l'album A World Awakens. On a entendu The Witness, Into Black, The Big E, de To Begin Again. On a entendu ce soir également du Lonely Robot, du Bad Dreams et du Thomas Carbou et Patrick G. Graham, de l'album, un album qui s'appelle Impulse. Voilà, Régent? Oui, puis je vais réitérer en vous disant de consulter notre série spectacle. Ouais. Au printemps, il y a la convention Terra Incognita à Québec. Il y a de même la venue de Anglagard aussi à Québec. Alors, toi, tu tiens beaucoup à cœur. Oui, j'aime bien cette formation. C'est la première fois qu'ils viennent. Alors, tout ça, c'est à surveiller. Il y a une multitude de bons spectacles à venir au printemps. Et vous avez un trans de mon ami Régent aussi qui est disponible sur le site Internet de la filière progressive. Vérifiez ça, là, c'est bien spoté partout. Mais merci, Reg. Au plaisir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de la filière progressive. Jean Doyon qui vous souhaite bonne soirée. Bye-bye. Cette émission était une présentation de Pod Québec. Pod Québec, 100% podcast, 100% québécois.